comprendre l'ère de l'écriture. La Bible déclare votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous, nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est l'oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Questions et réponses bibliques. Des thèmes à développer sur Dynamic FM à travers l'émission. Que la crainte de l'Éternel soit sur tous les jeudis à partir de 21h. Dynamique FM. Dynamique FM, il est 21h. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui forment l'Église, ni ceux qui lisent beaucoup la Bible, ni ceux qui sont des très grands prédicateurs qui forment l'Église. Ce ne sont pas non plus ceux qui sont baptisés, confirmés, ni ceux qui chassent des démons, ou ceux qui font des longues périodes de jeûne et prière qui forment l'Église du Seigneur Jésus. Ce ne sont pas ceux qui s'abstiennent de certains aliments ou ceux qui marchent de porte à porte avec des bouts de papier pour soi-disant annoncer le royaume qui forment l'Église du Seigneur. Ce ne sont pas ceux qui se proclament grand homme de Dieu, pire encore, ceux qui se font appeler Monseigneur, archevêque, évêque, pasteur principal, révérend, archibishop et autres qui forment l'Église du Seigneur. Bien au contraire, ce sont ceux qui vivent et œuvrent par l'Esprit et dans l'humilité et la sobriété pour le Seigneur. Ce sont ceux qui vivent et reflètent la sainteté du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ceux qui recherchent et s'attachent continuellement à la sanctification. Ce sont ceux qui recherchent l'amour et persévèrent dans l'amour fraternel qui forment l'Église du Seigneur. Ce sont ceux qui comprennent et acceptent la définition et le fonctionnement scripturaire de l'Église d'après la révélation qui leur a été accordée par leur Seigneur qui forme l'Église du Seigneur Jésus. Messieurs, mesdames, tous ceux qui sur la Bible s'affrontent, se confrontent et se contredisent quant au sujet et doctrine biblique. Par manque de révélation, ceux-ci tordent les Écritures, chacun à son niveau, pour sa propre ruine. Ce sont ces mêmes incrédules, ignorants et mal affermis qui ont tordu le sens propre de l'Église et ont donné à l'humanité un aspect défiguré de l'Église du Seigneur. Faudrait-il revenir aux Écritures? Faudrait-il veiller à ce que tout ce que nous faisons pour Dieu soit fait avec Dieu et donc soutenu par sa parole? Je pense bien que oui, sinon il ne serait pas écrit dans Deutéronome 12, 32 et Ecclésiaste 3, 14, ces passages à prendre au sérieux jusqu'à la dernière énergie. L'équipe de production de l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous s'est interrogée sur cette question de l'Église il y a plusieurs semaines déjà, dont celle-ci est la troisième. Deux éditions ont été consacrées au traitement de la question de l'Église et dont bien des choses ont été dites, à savoir le pourquoi, le comment de l'Église et aussi du temple et des synagogues. En cette date du 2/7/2015, il sera question de faire savoir aux et comprendre aux auditeurs de le pourquoi des tabernacles, la géographisation de l'Église et son fonctionnement interne, et même ses jours et ses heures, avec bien sûr le concours de l'évangéliste Élie Bertrand qui nous a fait une fois de plus l'honneur de sa présence ce soir. Pourquoi faut-il se rassembler dans des églises, des maisons? En fait, c'est parce que le Seigneur veut que l'église soit une famille. Et la réunion familiale se passe, c'est simple. En regardant des écaliers, en rentrant simplement dans la parole, comme ça on comprend cela. Voilà pourquoi la Bible déclare, si vous lisez les types dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 12, véritablement, vous allez voir clairement pourquoi Jésus-Christ dit que chaque famille doit se retrouver dans sa maison et chaque personne célébrera la Pâque ainsi. Et comment, combien de personnes pour retrouver? Ça veut dire que autant que la maison, si vous avez, vous pouvez avoir tout dit. Si vous avez, vous pouvez arriver à 4, c'est suffisant. Ça se passe que voilà pourquoi Jésus-Christ a dit là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis présent. Donc ça veut dire que le Seigneur ne veut pas les nombres. Ce n'est pas un parti politique. Amen. C'est une famille. Et une famille, il y a des gens qui sont trois à la maison, vrai. S'ils prient, Dieu ne les écoute pas. Oh, pourquoi dans ces choses? Amen. C'est le cadre familial. Et il ne faut pas qu'il y ait un malentendu à partir de maintenant. Lorsqu'on parle de l'église des maisons, il ne faut pas que vous sortiez ici, allez maintenant ouvrir votre maison aussi. Écrivez église des maisons. Il faut qu'on soit clair. Amen. En disant également église des maisons, c'est encore, comment je vais dire, si on dit église des maisons, ça devient une dénomination. Vous comprenez cela? Mais on utilise ce terme-là pour que vous puissiez comprendre. En fait, c'est l'église qui se réunit dans la maison. Ça ne fait pas dans l'église des maisons. Parce que vous allez me dire que il y a une doctrine ici, on dit que ce sont l'église des maisons. Il faut que ça soit clair. Amen. C'est l'église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait saluer Nymphas et l'église qui se réunit dans sa maison. C'est pas l'église des maisons. Sinon, on va aller saluer les murs. Que Paul a dit qu'on te salue. Amen. Mais il faut qu'on soit clair. C'est pas l'église des maisons. C'est l'église qui se réunit dans des maisons. Cette maison-là n'est pas l'église. Ce sont des gens qui viennent là-bas. On les appelle église. Amen. Quand la réunion cesse, le lieu cesse également. Le Saint-Esprit est dans ce lieu en présence des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Alors, si vous ouvrez vos Bibles, d'abord dans le livre de... Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas également chez les gens. Il dit que le porc, vous le lavez, il rentre toujours dans la peau. Si vous prenez Amos, si quelqu'un peut ouvrir rapidement Amos, le livre d'Amos, du prophète Amos, ça parle de cela. Parce que le frère dit que ce qui s'est passé en Israël, c'est la même chose. Les dénominations, ça avait été imprégné en Israël. Et à un moment donné, ils ont conçu leur synagogue, pas la synagogue du Seigneur. De la même façon, à un moment donné, l'église du Seigneur s'est transformée, ils ont construit leur bâtiment. Donc, comme vous ne verrez jamais dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, les apôtres ayant une décision ou bien un besoin de terrain nulle part. Les gens qui avaient des terrains vendaient plutôt et venaient déposer ce qu'ils avaient vendu au pied des apôtres pour qu'on fasse la distribution aux saints qui étaient dans le besoin. En fait, si vous voulez comprendre, la vraie église à bâtir, ce sont les saints. Au lieu d'investir sur les bâtiments, les briques là, puis les pierres vivantes, c'est nous. Les chrétiens, c'est ça qui fait c'est ça qui fait bâtir. Amen. La construction des bâtiments. La construction des bâtiments est antiscripturaire. C'est difficile de le dire. En fait, les pasteurs dénominationnels sont des bandits. La majorité, ils ne font leur délivrance. Je vais vous expliquer pourquoi. Jamais dans la pensée du Seigneur, l'église ne se réfère à un bâtiment. Ce n'est pas la pensée du Seigneur. Toute personne qui utilise les dénominations met la barrière et les divisions dans le corps du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu appelle son peuple à sortir simplement une famille. Amen. Frère bien-aimé, si tu as construit un ministère, tu as mis un nom, c'est le moment maintenant d'aller casser la plaque. Déchirer l'autorisation. Si tu attendais l'autorisation de la sous-préfecture, mets la barrière là-bas. Les barrières dénominationnelles doivent tomber au nom de Jésus. C'est Jésus le chef suprême de son royaume. Bonsoir à vous et bienvenue, messieurs et dames, à cette autre édition de votre programme habituel, Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. C'est une émission à thématique chrétienne au travers duquel vous qui êtes chrétien, vous êtes forcément enseigné et édifié. Et pour vous qui n'êtes pas chrétien, vous êtes forcément éclairé et aussi appelé, pourquoi pas, à la repentance. Déjà que c'est la raison même de cette émission. Évangéliste Elie Bertrand, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM encore ce soir. Et bienvenue sur les ondes de la radio. Merci, déjà nous excusons nos très chers auditeurs et frais pour les deux émissions manquées sur ces ondes. D'accord. Avant qu'on poursuive, je rappelle que l'émission est interactive. Donc, vous qui êtes à l'écoute, vous pouvez faire parvenir vos messages ou appeler en direct au travers du 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84 et 243 08 24 44. Bonsoir à tous ceux qui viennent prendre l'émission en cours. L'émission, c'est Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Et je profite pour dire bonsoir à tous ceux qui nous écoutent depuis l'extérieur du Cameroun, à nos frères et sœurs à l'étranger. Évangéliste Elie Bertrand, oui. On a pendant deux éditions de ce programme donné une définition claire de l'église et la suite aussi. Exactement. Je pense que ce soir il sera question de poursuivre avec la suite de la définition. La cartographie, nous allons y revenir. Les dernières émissions, nous avons mis en exergue le fait que nous étions d'essayer d'éclaircir les auditeurs, les chrétiens par rapport à la définition de l'église. Et lors de la première édition de cette série, si vous avez, on a suivi un vox pop qui crée quand même la controverse parce que certaines personnes ne connaissaient pas la définition de l'église. Oui. Nous sommes entrés dans la définition de l'église en lisant le livre d'Éphésiens chapitre 5. Nous avons vu que l'église c'est le corps de Christ, donc Jésus-Christ est le sauveur. Et nous avons vu effectivement que l'église est typifiée par une femme dans cet Éphésiens chapitre 5. Nous avons parcouru toutes les versets pour mettre cette définition de l'église là au clair. Dans la définition du sujet, dans la suite de cette définition de l'église qui n'est certainement pas la suite et la fin. Oui. C'est uniquement la suite parce que absolument. on ne pourrait pas finir. Absolument, absolument. Parce qu'en fait, dans l'une des émissions où nous parlions de la repentance, nous avons vu effectivement que la définition de l'église est la cartographie ou bien le socle de toutes les dérives qui sont entrées. Parce que cette notion est très importante que les chrétiens puissent comprendre parce que c'est là où justement sont venues toutes les autres dérives et les hérésies au milieu des chrétiens. Voilà. Avant qu'on entre en plein dans cette thématique de l'église, j'aimerais bien vous questionner sur un fait de société puisque vous êtes un homme de Dieu, vous pouvez très facilement nous apporter un aspect ou encore un argumentaire suite à ce qui s'est passé. Oui. On a un chasseur qui va en brousse pour chasser, oui. Et puis il va s'apercevoir d'un animal, oui. Et puis il va tirer sur l'animal, oui. Et après avoir tiré, après avoir tué l'animal à coup de fusil, oui. Cet animal va devenir un homme, en fait. Un homme. Il va se rendre compte que c'est un homme qui l'a tué. Oui. Comment expliquer ce type de choses? En fait, dans la transformation, dans la la sorcellerie, au mieux dans le satanisme, ça se trouve. Nous voyons effectivement que beaucoup de personnes dans notre pays, ici, nous avons vu des phénomènes. Il y a certaines années où des personnes qui voyageaient, on disait qu'ils voyageaient dans les boîtes de sardines, boîtes d'allumettes qui sont tombées et plus tard sont transformées. Ce sont des phénomènes réels. Mais maintenant, le problème, sur le plan du droit, maintenant, sur le plan du droit de la République, cette personne, il va falloir qu'elle prouve de façon claire que cette personne n'était pas, qu'elle a vu un singe, parce que nous avons un cadavre sous la main. Quand il y a un cadavre sous la main, il y a meurtre. Et quel qu'en soit le cas, il va falloir prouver. Donc, c'est ici, donc, maintenant, pour regarder la législation camerounaise, de regarder maintenant les cas de sorcellerie. Est-ce qu'il y a donc une loi donc, pour prouver la sorcellerie? Donc, il faut donc maintenant la jurisprudence par rapport. Il faut des hommes spirituels, non seulement dans la spiritualité, qui sont assis dans la sorcellerie. Et Dieu merci, on a les juristes sorciers ici. Mais il n'y a pas de loi pour la sorcellerie. Ah, d'accord. Carrément. Donc, en fait, puisqu'on ne peut pas prouver cela, que celui-ci a tiré sur un animal et puis l'a transformé. Parce que Dieu merci, peut-être il est le seul témoin. Comment va-t-il prouver cela? D'accord. Maintenant, en fait, en réalité, il faut comprendre ceci, c'est que ceux qui partent chasser ne sont pas saints. J'en connais plusieurs qui ne sont pas saints parce que beaucoup utilisent de la sorcellerie également pour transformer certaines choses et puis tirer là-dessus. Mais quel qu'en soit le cas, et celui qui se transforme. Et nous voyons dans nos villages ici, nous voyons effectivement que les chefs des chefs de famille ont des totems au village. Il y a des gens, il y a des gardiens des traditions, des gardiens de certains campements qui sont des sorciers et qui vivent dans des animaux. Et quand vous rencontrez ce genre d'animal, vous tirez, vous parvenez à tirer en dominant sur cet animal-là, vous allez voir que cet animal va être transformé. Et par la suite, même la personne qui donc c'est le totem va mourir par la suite. Nous constatons cela partout. Ça veut dire qu'en fait, il est possible qu'on ait un animal qui devient un homme par la suite. Absolument. Après... Absolument. Ah, d'accord. Absolument. Dans la sorcellerie, c'est possible. C'est ce qu'on appelle loup-garou là. Sinon, les films qu'on voir les films d'horreur sont inspirés de quelque part. Ah, le monde spirituel est vraiment bizarre, vraiment bizarre. C'est ça qu'il faut rester dans la simplicité de Christ. Dans tout le cas, merci de ce petit développement. Question donc, parlant donc de la question d'église, on a posé des questions à des personnes dans la rue sur ce sujet, sur cette question d'église, afin de savoir comment est-ce que ça se passe dans les églises. Oui. On va l'écouter et juste après, vous allez donner votre point de vue. I am in a Pentecostal church. On Sunday, we go to church at 9 o'clock. And at 9 o'clock, the service starts. We worship God, we praise God and worship God. After worshiping, we hear announcement. The announcement is the service of the week. Mondays is the women's meeting. Only the women. And the preacher in that women's meeting is only the women. Tuesday is a prayer day. Thursday is prayer day. If you have any problem, you come on Thursday. They pray for you. Or deliverance. Friday is full class where we study the word of God. What you don't understand on Friday, you come on Friday and you ask, they will enlighten you. And Saturday is a day that we prepare for Sunday service. And on this Sunday service, we worship God, we give our tithes and offering. The offering is to help those who are in need. The offering is to pay the electric bill, many things in the church. And after the offering, we listen to the message, which is the word of God. After the word of God, the choristers, the choir will sing to praise God for the message. And after the message, they give closing prayer. People go to their houses about 12, half past 12 or 1 o'clock. That is how we enter our own church. I don't know the amount, but we are many. We can be 300. Hello, our service in our church, the service is on Tuesday, 5 o'clock. Tuesday is Bible studies. Thursdays is prophetic service and deliverance. And Sunday is worshiping and praising. On Tuesday is a very important service because everything goes with the word. If you don't have the word, nothing can go. But I've taken note that many people prefer the Thursday service because they think that deliverance, they go only for the fruits, for deliverance and for prophecy. What I want them to understand is that with all that deliverance and prophecies without the word is for no use. Because only the word, only if you have the word in you that can keep your deliverance or the prophecy, or for the prophecy to come true. If you don't have the word, it's for no use. So we should lean on the word. So I prefer that people should come especially for Bible studies on Tuesday and take the word, because if you have the word in you, you have it all, instead of you fighting to come only on Thursday for deliverance. Talk about Sunday program. Sunday we start at 9 o'clock. I am in Liberty TV, Liberty and the Koti, opposite the Brasserie. Sunday service, we start at 9 o'clock in the morning. And Sunday service is, we come to recognize the greatness of God in our life for the week and thank God. So what we do is that we praise God, we worship Him on Sunday. It's Sunday. We put it on Sunday because it's the day that we think that we have rest, and we think that we have enough energy. We have enough energy. We reserve it for that particular day to thank God for the week, because for us to go on to a week and finish, others have not had that opportunity that God has given us. For us, it's a pleasure that God has given us that opportunity to see that Sunday, to go on to the week, and we are alive. So that day we give thanks to God. We come to church, we glorify God, we clap, we dance, we sing on faith. You're blessed. We are l'église catholique, vraiment. Quand tu entres à l'église, en fait, quand tu arrives, tu dois d'abord te prosterner à l'entrée. Une fois quand tu rentres, avant de t'asseoir, tu vas encore te prosterner, je ne sais devant qui. Parce qu'il y a toute une multitude de statues, soi-disant la statue de Marie, les statues des anges, la statue de Jésus avec le corpus, ainsi que tous les autres dessins qui sont à l'église. Et puis, et quand on est assis, on va voir par exemple le prêtre qui se prosterne devant l'autel et qui donne un baiser à l'autel de tous les quatre côtés. Et ensuite, quand bien même ils vont donner ce qu'ils appellent, la communion, ils vont donner un baiser à la coupe ainsi que à leur soi-disant communion, et puis tout un tas de rites. Il y a aussi là les enfants de cœur qui vont se prosterner devant le prêtre ainsi que devant les autres, les sous-dirigeants des prêtres, ils vont se prosterner devant eux là. Donc tout un tas de prosternations. Oui, je l'étais, j'étais catholique bien sûr, un fervent catholique bien sûr, qui était même prêt à recevoir le sacrement de mariage bien qu'ayant reçu tous les autres sacrements. Je suis sorti de l'église catholique tout simplement parce que le Seigneur s'est révélé à moi d'une manière vraie et j'ai découvert la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. À l'église catholique, on n'en pratique aucune vérité, aucune du tout. C'est bien évidemment, mais je pense pas que ce soit notre Seigneur Jésus-Christ de la Bible. Parce qu'à l'église catholique, présente le Seigneur Jésus-Christ de la croix. Or, mon Jésus n'est plus sur la croix depuis que je le connais. Maintenant, j'appartiens à l'église de Jésus-Christ tout simplement. Et l'église de Jésus-Christ n'a pas de nom. C'est l'église de Jésus-Christ, en fait, c'est l'ensemble de tous ceux-là qui craignent Jésus véritablement, selon la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. J'étais une fois dans une assemblée, au moment de donner des offrandes, pasteur, j'ai constaté que le pasteur était à côté des paniers. Et tous ces adeptes qui partaient donner de ces offrandes montraient la somme qui se trouvait dans leurs mains. Et ça m'a vraiment frustré. Je me demande vraiment si la maison de Dieu est devenue un commerce ou bien c'est pour aller prier Dieu. Oui, la somme qu'ils donnaient, les adeptes devaient mettre dans les paniers. Mais il fallait qu'ils voient d'abord, lui le pasteur, qu'ils voient d'abord ce que l'adepte va mettre dans le panier. Mais pendant la prédication aussi, j'ai constaté que ce pasteur parlait beaucoup plus de sa vie privée. Oui, au lieu de parler de Dieu, il parlait plus de sa vie privée. Par exemple, au lieu de prêcher Dieu, il demandait à sa femme si elle n'a pas de climatiseur dans sa cuisine, qu'il peut lui offrir une voiture par mois, tous les mois, et qu'il... Là, ça m'a vraiment poussé, mon cher ami. Bonsoir, moi c'est Vanessa. Je sors du pentecôtisme. Je baptise les mardis, études bibliques, vendredi culte. Bref, le mardi, le pasteur pouvait apporter des questions et nous on répondait et puis corriger. Il enseigne, il donne les devoirs et on fait et puis corrige. Et les vendredis, c'était louange et adoration. On chante, on danse. Oui, si. 200 personnes. Il y avait les dîmes et les offrandes. Donc on donnait d'abord les dîmes et après les offrandes. Ça pouvait au moins passer 3 à 4 paniers. Puis je payais les dîmes. Ça dépend de ton salaire. Tu travailles et puis on... Après ça, on danse et puis on rentre. Parce qu'on est en joie, on est joyeux. Et on envoyait souvent le feu aux démons. Le vendredi, toute l'assemblée envoyait le feu. Et c'était une fois aussi aux personnes, aux sorciers. La Bible déclare que le corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous dont nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est l'oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Merci à Hervé Gay qui assure toute la partie technique de ce programme. Et merci à vous, messieurs, mesdames. Si vous venez de prendre l'émission en cours, vous êtes sur Dynamique FM et l'émission C'est que la crainte de l'été. Tous les jeudis à partir de 21h. Je rappelle que l'émission est interactive, donc vous pouvez appeler ou envoyer des messages pour soit poser vos questions, soit témoigner de l'intérêt de l'émission au travers du 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84 et 243 08 24 44. Évangéliste Libertron Chabda, oui, vous avez la parole. Vous avez écouté le Vox Pop que j'ai vraiment dégusté avec attention. Vous avez dû noter que j'étais en train de prendre des notes en suivant tous les intervenants dans ces Vox Pop. D'accord, on vous écoute. Oui, maintenant, dans ces Vox Pop, on note beaucoup de choses que nous dénonçons ici dans cette émission. De chaque fois, nous remarquons la programmation de culte dont nous allons y revenir pour voir pourquoi c'est mauvais. Nous avons vu effectivement comment, en fait, les chrétiens jusque-là sont ignorants par rapport à ce qu'on appelle l'église. Vous avez vu la femme anglophone, la première intervenante, qui a dit I go to church on Sunday. Mm-hmm. Le fait que le church, c'est en anglais, c'est l'église. D'accord. Donc elle va à l'église dimanche. Leur église s'ouvre le dimanche. D'accord. Et nous tuons dans cette émission à définir l'église comme étant le corps de Christ. Donc si elle y est membre, et quoi que vous, dans une émission, si nous avons vu effectivement dans les deux dernières émissions, nous avons vu effectivement que n'appartient à cette église là que ceux qui sont nés de nouveau. C'est à dire que nous avons cité 1 Corinthiens chapitre 12 ici verset 13. Il a dit nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Là maintenant, les gens ils vont par convenance, d'autres ils vont par naissance, d'autres ils vont par affectation, d'autres ils vont le fait que par crise parentale, et d'autres ne vont pas dans une chose par une certaine convenance, d'autres ils vont par honte, pas par honte justement. Pourquoi on ne dit pas qu'on ne va pas à l'église? D'accord. Nous voyons effectivement que ce point là est essentiel. Le fait justement qu'ils croient jusqu'ici, nous comprenons que parmi tous les auditeurs, ils parviennent à comprendre. Il y a certains cas des auditeurs qui comprennent quand même déjà la chose et qui sont sortis, Dieu merci pour eux. Et maintenant, la grande majorité comprennent toujours l'église comme étant un lieu où les gens doivent aller. Et effectivement, on voit effectivement que dans tous ces cas-là, nous allons voir effectivement, pour le cas des catholicisme, effectivement, il y a tout un rituel qui est mis de côté, comme le deuxième intervenant parlait de la prosternation à l'entrée, du baiser de l'autel, baiser à la coupe, ainsi de suite, qui sont des rituels sataniques qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Nous voyons effectivement dans le premier cas, introduite comme étant là. Maintenant, nous voyons effectivement dans le cas des pentecôtistes, il y a beaucoup de danse, beaucoup de programmation, effectivement, des jours, il y a des jours spéciaux pour la délivrance, des jours spéciaux pour la prophétie. C'est-à-dire, vous venez un jour, le Saint-Esprit qui est censé agir là-bas, prophétise seulement. Un autre jour, il délivre seulement. Oui. C'est ce style d'église que nous avons aujourd'hui. Et autour de cela, maintenant, nous voyons effectivement que c'est le commerce, parce qu'il faut servir les gens. Il faut servir les gens, une certaine distraction, un certain divertissement. En contrepartie, ils doivent payer de leur porte-monnaie. Vous voyez effectivement que le moment de dîme est la quatrième et la dernière édition. Je dis qu'il n'est pas question de cette programmation, cette façon programmée de faire les choses. Justement, dans la Bible, je vais d'abord admettre avec Einstein que la croyance est aussi difficile à détruire qu'un atome. Einstein qui disait cela, que quand quelqu'un croit quelque chose, qui était chrétien, il était chrétien lui, c'est pas un chrétien, c'est un juif, dans son cas il est réglé là. Ah, mais je dis Einstein disait que la croyance, que quand quelqu'un a foi, croit à quelque chose, c'est difficile de détruire cela plus qu'un atome, parce que l'atome déjà on ne voit pas. À combien faut raison les croyances. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce qu'en réalité, vous allez voir, les gens qui sont allés nous écouter, quand bien même on va lire dans la Bible en leur expliquant ce qui doit être fait, le fait qu'ils ont de la cru au mensonge, ce sera difficile pour eux de détruire cela. Donc, comme vous en avez dit, la programmation dans le culte, comme nous avons suivi dans ces vos sports-là, ce n'est qu'un échantillon parmi tant de, parce que si on interroge différentes dénominations, on va voir différents styles de culte. En fait, dans d'autres dénominations, vous entrez sur le pupitre, il y a de la programmation déjà effectuée. On sait que, comme ils ont dit là, à 9h, on ouvre à 9h. À 9h05, c'est le groupe de chorale. Il y a une fiche technique, de suivi. Et ils disent que là, c'est pour l'ordre. C'est ce qu'on appelle l'organisation. Et dans l'émission précédente, ici, j'avais dit que le corps de Christ sur la terre n'est pas l'organisme. Vous ne connaissez pas une organisation, mais c'est un organisme. C'est pour ça que vous voyez effectivement que vous pouvez voir sur les plaques des entrées, on écrit effectivement ce qu'ils ont cité là, que les dimanches, Saint-Essène à partir de 8h. 8h, premier culte, 8h à 12h. Les mercredis, on met effectivement le programme du culte. Exactement comme vous suivez les publicités des musulmans. Des marabouts à la télévision et à la radio qui disent effectivement que le docteur tel guérit pour le malaria, le filet, ainsi de suite, tel jour à telle heure. C'est la même chose chez les pasteurs. Donc nous remarquons effectivement que cet embrouille-là a fait le temps que les gens ont programmé le culte et pour le fait que ça entend, a fait dire ça que les gens ont cru cela pour vrai. C'est pour ça que nous sommes là ce soir pour dire aux gens et les pasteurs et ceux qui servent là-bas, ceux qui s'appellent ouvriers, co-ouvriers avec ces gens de ministère, pour dire qu'il faut qu'ils quittent ces cas-là et revenir à la Bible parce que nous sommes là pour prêcher la vérité. Le thème de l'émission, l'émission c'est que la crainte des ténèbres soit sur nous. Pour qu'on craigne Dieu, il faut qu'on comprenne sa parole parce que la Bible déclare que personne ne peut craindre Dieu s'il n'obéit pas à sa parole. Il faut qu'on revienne à la parole pour savoir ce qu'il dit dans ces cadres du culte et de l'église. D'accord. Vous écoutez que la crainte de l'Éternel soit sur nous. C'est une émission à thématique chrétienne au travers duquel vous avez toutes vos réponses hein, en ce qui concerne les sujets et doctrines bibliques. Et c'est tous les jeudis à partir de 21h. C'est une émission interactive. Vous qui êtes à l'écoute, vous pouvez envoyer vos messages ou appeler en direct pour soit poser des questions, soit témoigner l'émission. Avant l'émission, parce qu'on partira d'ici lorsqu'il sera 21h50, les contacts sont les 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84, 243 08 24 44, évangéliste Elie Bertrand Tchabda. Oui. S'il n'est pas question de ça dans le Vox Pop, il est donc question de quoi? Comment est-ce que ça devrait fonctionner? Voilà. En commençant par d'abord, on est censé donner la définition du tabernacle, le but de l'existence du tabernacle, et comment est-ce que ça devrait fonctionner? Voilà. Déjà, la troisième intervenante de cette Vox Pop a parlé de la frustration dont elle a subi dans une dénomination où, en donnant de l'offrande, le pasteur venait s'asseoir à côté du panier pour suivre. Oui. Effectivement. Et maintenant, vous allez remarquer que peut-être ils vont être 300, comme le premier intervenant a dit qu'ils ont 300, une personne sera frustrée et sortira de là, mais on ne pourra pas voir parce que la grande majorité suivent comme des boucs, ou mieux comme des moutons, ils ne savent pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mm-hmm. Mais quand tu cherches Dieu et cherche la vérité, il saura que quelque chose ne va pas. Et vous voyez effectivement que cette femme-là a dit qu'après avoir donné les dîmes et les offrandes comme ça, le pasteur contrôle pour voir combien telle ou telle personne a donné, il va commencer à prêcher la vanité parce qu'elle a parlé du pasteur qui prêche sa vie privée, parlé de climatisation quoi, dans la femme de sa femme et du véhicule de sa femme qui n'arrive pas avec la parole du Seigneur. Donc maintenant, vous voyez effectivement que si ça ne se passe pas comme ça, il faut qu'on dise effectivement comment ça doit se passer. Mm-hmm. Commençons effectivement. La dernière fois, nous avons pris le cas du temple, nous avons vu effectivement que sur la terre, gréer le temple et ce n'est que à Jérusalem. Oui. C'est très important que les gens puissent comprendre ces notions-là. C'est que Dieu traite avec, il y a deux alliances, il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance est une alliance avec les juifs qui avait été inaugurée par le sang des boucs. Moïse l'avait fait, Moïse est le législateur qui introduisait cette ancienne alliance-là. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, est le législateur de la nouvelle alliance. En fait, la première alliance introduisait la nouvelle, ou mieux prophétisait la nouvelle alliance. Mm-hmm. Et bien dans ce cas, ça veut dire qu'il y a des choses dans l'ancienne alliance que nous devons voir comme images qui s'accomplissent en Christ. Oui. C'est ce que la Bible dit. Si nous avions vraiment le temps dans cette émission, nous serons entrés dans le livre des Hébreux pour expliquer toutes ces choses-là. Mais je vais essayer d'expliquer et au fur et à mesure si les auteurs ont des questions qu'ils peuvent poser pour qu'on puisse développer davantage. D'accord. Donc l'ancienne alliance donc, avec les Juifs est contractée avec le sang. La nouvelle alliance est contractée avec le sang de Seigneur Jésus-Christ qui s'étend sur les nations. Maintenant, dans cette ancienne alliance, donc, il y a donc le tabernacle qui a été construit d'après un modèle que Dieu lui a dit. Et chaque fois, Dieu va réitérer dans l'Ancien Testament en disant faites d'après le modèle qui t'était présenté sur la montagne. Mm-hmm. Et à chaque fois, à plusieurs reprises, et dans le chapitre 3, Dieu réitère encore cela que ça va être fait à Moïse en disant que fait d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc Moïse a eu une vision du temple qui se trouve dans le ciel et Dieu lui a montré de faire les rituels tels que sur la terre, tels que ça se trouve comme il lui a montré dans la vision. Oui. Et cette rituel dans le temple dont il y avait quoi, le lieu saint, le lieu très saint, où le souverain sacrificateur entre une fois par an avec le sang du bouc pour lui-même et pour tous ceux du peuple. Oui. Parce que le souverain sacrificateur devait être entré une seule fois par année, il était mortel, il était capable donc, Dieu dans sa succession, dans sa sagesse, avait prévu que le souverain sacrificateur soit remplacé par la descendance d'Aaron. Mm-hmm. Et c'est de là dont il est question par rapport à ces sacerdoces là maintenant. Donc il est question là, voilà, de ce qui est déjà passé. De ce qui est déjà passé. Oui. En fait, parce que en fait, pourquoi j'ai fait dans la source? Parce que vous voyez, les gens construisent ces grands bâtiments aujourd'hui en disant, en prenant l'exemple sur Salomon, c'est là où je veux en venir. D'accord. Parce que quand les gens construisent aujourd'hui, ils veulent construire un grand temple et commence à prendre certaines choses de l'ancienne alliance pour mettre qui n'ont pas de place. Parce que l'ancienne alliance a des fonctionnements. Dans l'ancienne alliance, par exemple, il fallait des sacrifices pour offrir là-bas. Mm-hmm. Donc il y avait des sacrifices de bouc, des quoi, la vache rousse, ainsi de suite pour le sacrifice. Il faut qu'il y ait de cuise, des reins, les vers des mains, ainsi de suite, le témoignage d'Aaron et les vers d'Aaron qui avaient fleuri, tout devait être là-bas, avec l'âge d'alliance. Il y avait le rideau avec les fins lins et puis les broderies, tous place parce qu'il y avait quelque chose qui prophétisait. Mm-hmm. C'était à l'Éternel avec les efforts et les plaquettes sur les poitrines des sacrificateurs pour porter comme ça Israël devant le Seigneur pour que le Seigneur leur soit propice. Maintenant, dans la nouvelle alliance, vous voyez effectivement que les pasteurs ont les habits. Quoi que nous allons revenir ici, lorsque nous allons parler des habits cléricaux et des titres cléricaux, cas dans cette émission, c'est pour montrer effectivement que c'est du paganisme que c'est venu. Oui. Maintenant, nous voyons effectivement que cela étant, dans l'ancienne alliance, donc, quand ils sont encore dans le désert, il n'y a pas de lieu où l'âge a du repos. Plus tard donc, David va vouloir avoir l'intention pour construire un tabernacle pour l'alliance, pour l'âge de l'alliance, parce que l'âge de l'alliance était déporté de part et d'autre. Et Dieu avait donc instruit donc les Kehadites, les Mérarites et puis les autres fils de Lévi, que chacun devait être assigné pour pouvoir démonter et monter le temple selon le tabernacle selon le lieu que Dieu. Les Juifs devaient camper dans le désert. Mm-hmm. Et maintenant, lorsque Dieu fait entrer les Juifs dans le pays promis, il leur a dit que quand vous serez entrés dans le pays promis, ce n'est pas comme ça que vous allez faire, parce qu'ils ne devaient plus errer. Ils erraient dans le désert, mais dans le pays où ils se sont, ils devaient être stables. Maintenant, Dieu, donc, quand il a choisi l'homme selon son cœur, plus tard va avoir l'initiative pour pouvoir construire un lieu pour le repos de Dieu. Maintenant, Dieu va lui dire que ce n'est pas toi qui vas construire, c'est son fils, parce que tu es un homme de guerre, tu as versé du sang. Alors, son fils, Salomon, va construire ce qu'on appelle le temple qui est censé être sur le mont Morija. À Jérusalem, oui. Cet temple qui avait été détruit, prophétisé par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur terre. Donc maintenant, ce temple-là est construit ça, en prophétie de le vrai corps du Seigneur Jésus-Christ, le corps physique du Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Mm-hmm. Donc c'est le seul lieu du temple sur la terre agréé par Dieu. Parce que vous allez remarquer que lors de l'inauguration de ce temple dans le livre de 1 Roi et 1 Chronique, vous allez voir que Salomon, en priant, va dire quoi donc ? Dieu habiterait-il dans le temple fait de main d'homme ? Oui. Lui-même qui a construit le temple a admis que Dieu ne peut pas habiter dans le corps, dans un temple fait de main. Et dans Actes chapitre 17, l'apôtre Paul réitère encore cela, que Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve n'habite point par n'est point servi par les mains humaines, n'habite pas dans les maisons humaines, comme s'il ait besoin de quoi que ce soit. Mais voici ce qui se passe, que dans le temple de Jérusalem, le nom de Dieu était invoqué là-dessus. Mm-hmm. C'est pour ça que nous lisons dans le livre de Daniel, nous avons vu effectivement que Daniel, trois fois par jour, priait en ouvrant sa fenêtre en direction de Jérusalem. Salomon. Ce temple qui a été bâti par Salomon, c'est parce que son nom était invoqué là-dedans. Et c'est très important, parce que le nom de Dieu était invoqué là-bas, parce que c'était le Dieu d'Israël, d'accord, le Dieu d'alliance, parce que l'âge de l'alliance se trouvait là-bas, c'est en fonction de l'alliance qu'il avait fait avec Israël. Lorsqu'on se tournait vers Jérusalem, c'est comme si nous nous trouvons à ce temple-là pour pouvoir prier pour qu'on soit propice. Et ça, c'était pour les Juifs, pas pour tout le monde. D'accord. Maintenant, quand le Seigneur Jésus va entrer en scène, Malachie au chapitre 3, le verset 1, la Bible déclare que voici, j'enverrai mon messager devant ma face et soudain entrera le Seigneur dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance. Ça, c'est Malachie chapitre 3, verset 1. Dans ce Malachie chapitre 3, il est prophétisé deux personnes qui sont rentrées et venues là-bas. Il y a Jean-Baptiste qui va préparer le chemin devant quelqu'un qui doit venir entrer dans son temple, le Seigneur que les Juifs cherchaient depuis. Mm-hmm. Maintenant, quand le Seigneur Jésus va entrer dans son temple, dans Jean au chapitre 2, nous voyons effectivement comment le Seigneur Jésus va dire détruisez ce temple et il le rebâtira en trois jours. Vous voyez effectivement que dans ce Jean chapitre 2, le verset 19 et 20, les Juifs font penser qu'il parlait du temple de Jérusalem qui est physique. Mm-hmm. Alors maintenant, la Bible déclare qu'ils vont rétorquer au Seigneur Jésus en disant il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et en trois jours tu le reverrai. Le Saint-Esprit continue au verset 20 de ce Jean chapitre 2 en disant qu'il parlait du temple de son corps. La Bible étant en harmonie montre effectivement que le Seigneur Jésus-Christ parlant du temple de son corps, les Juifs comprennent le temple d'Israël, comprennent ainsi que le temple des Juifs qui était là-bas était le symbole du corps de Jésus-Christ dans lequel le Messie devait habiter, ou mieux l'Esprit. Le Dieu qui servait, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, qui servait en esprit, devrait venir habiter. Donc le Seigneur Jésus-Christ, donc, le temple de Jérusalem, avec tous les compartiments et tous les sacrifices qu'il trouvait là-bas, était la prophétie du temple, du corps de Jésus. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de temple sur la terre en dehors des chrétiens. D'accord. Et la dernière fois, nous avons cité ici 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, il dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit lui-même. Le temple de Dieu est saint, c'est que vous êtes. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc c'est quand même curieux. Et dans Hébreux chapitre 3, verset 6, nous avons vu effectivement la dernière fois que la maison de Dieu, c'est nous. Mm-hmm. L'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre chapitre 4, verset 17 à 19, que c'est l'heure où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Après, il dit, si c'est pas nous que ça commence, il vient de dire la maison de Dieu, c'est nous. Ce sont des êtres humains. Donc, la maison de Dieu, c'est une habitation spirituelle, comme 1 Pierre chapitre 2, verset 5 nous dit, que édifié pour former une habitation spirituelle. Ça veut dire que ce sont les cœurs humains où le Saint-Esprit habite qui forment dans le temple sur la terre. Paradoxalement, certains pasteurs connaissent bien ces choses-ci, mais ils disent qu'il faut construire un grand bâtiment pour Dieu. Et lorsque nous rentrons dans la Bible, nous voyons effectivement qu'aucun des apôtres, depuis Actes des apôtres que nous avons vu la dernière fois, nous avons vu effectivement que l'église est née dans la maison. Nous avons lu Actes chapitre 2 la dernière fois où ils étaient assis ensemble dans un lieu, dans la chambre haute, et le Saint-Esprit, tout à coup, le Saint-Esprit est descendu et l'église est née là-bas. Nous avons effectivement vu la dernière fois que le Saint-Esprit fait descendre l'église dans une maison. Puis, en Actes chapitre 28, verset 30, l'église, l'acte des apôtres se ferme toujours dans la maison. Et dans les épîtres, nous avons vu effectivement que les églises dans chaque localité se réunissaient dans les maisons. Mais aujourd'hui, de façon somptueuse, on veut construire des grands bâtiments. La course à la dénomination, la course à la gloire de l'homme passé, en fait, c'est pour ça que vous voyez que beaucoup de ces fondateurs des ministères, comme ils le disent, mettent leur nom, c'est pour leur propre gloire, pas pour la gloire du Seigneur. Parce que si quelqu'un cherche à honorer sa propre gloire, il sera déçu. Mais si quelqu'un cherche à faire, comme le Seigneur Jésus l'a dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura qu'il l'a envoyé. Donc, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il doit consulter la Bible. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Donc, il n'est pas question de la synagogue pour quand on parle de l'église du Seigneur. En fait, si on voit effectivement, c'est pour ça que quand il parlait des deux années tout à l'heure, nous allons voir effectivement que la marche des Juifs dans le désert est exactement la marche de l'église. L'église au fil du temps jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne dans certains aspects. Nous allons effectivement voir que la synagogue, si nous disons l'Ancien Testament, nous allons voir effectivement qu'il n'y a pas de synagogue. Oui. Lorsqu'on arrive dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous commençons à voir les synagogues apparaître. Et pourtant, si nous lisons la loi de Moïse, nous allons voir effectivement qu'une seule tribu avait été choisie par Dieu comme son héritage, la tribu de Lévi. Nous allons voir maintenant dans la Nouvelle Alliance, nous commençons à voir, quand le Seigneur Jésus est venu, nous allons voir qu'il y a un groupe qu'on appelle les pharisiens, c'est-à-dire les séparés. Nous allons voir les sadducéens, nous allons voir les synagogues. On est étrangement surpris, je ne sais pas s'ils peuvent être surpris pour comprendre cela. On est étrangement surpris du fait que ces groupes-là se trouvent là, pourtant dans l'Ancien Alliance, ils ne se trouvent pas. Par exemple, le bon exemple, c'est l'exemple de Paul lui-même. Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, au chapitre 11, se présente comme étant Benjamin. Mais pourtant, il était pharisien, né de pharisiens. Il est fils de pharisiens. Et il est docteur, il est avancé dans le judaïsme, il enseigne la loi. D'où vient-il qu'un Benjamin commence à enseigner la loi au peuple juif? Pourtant c'était les Lévites qui devaient le faire. Vous comprenez effectivement que cet Israël, l'esprit de rébellion, c'est-à-dire que Dieu écrit quelque chose. Et nous avons lu ici dans Deutéronome, chapitre 4, verset 2, qu'il avait dit dans ce Deutéronome, là, Dieu avait donné la loi à Israël en disant que vous allez vous atteler à obéir tel que c'est écrit, sans rien ajouter, sans rien en retrancher. Et c'est dans ces cas-là que Dieu s'engageait à soutenir Israël s'il mettait en pratique sa parole. Donc vous voyez effectivement qu'à un moment donné, puisqu'il y a 400 ans qui séparent de la lutte de Malachie et de Matthieu, effectivement, il n'y avait pas de prophètes pour conduire le peuple juif, parce que les peuples juifs sont conduits et gardés par les prophètes. Quand ils ne sont pas conduits par les prophètes, il y a la dérive. Et chaque fois donc maintenant, quand l'Esprit de Dieu se tue, c'est comme ça que les gens se sont érigés. Ah, c'est pour ça que la Bible nous déclare dans le Nouveau Testament, pour parler de cette étymologie, quoi, de cette similitude avec l'Église, qu'ils se donneront au dernier, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quoi, au dernier jour, qu'est-ce qui va se passer? Ils se donneront des foules de docteurs. Les gens vont se donner des foules de docteurs selon leur propre désir. Les Juifs ont donné les foules de docteurs. Et l'apôtre Pierre va dire dans ce 2 Pierre chapitre 2 là qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura parmi vous des faux docteurs. Donc il prend l'exemple sur le peuple d'antan, et par la suite il prophétise que ça sera de la même façon. Donc le fonctionnement des Juifs par rapport à la chute et le fait que les synagogues se sont érigées, c'est la même chose avec les dénominations. Ah, maintenant, d'où sont venus donc les synagogues? Initialement, les Juifs sont allés en captivité à Babylone sous Nebuchadnezzar et en Assyrie. Étant donc là-bas, étant un peuple culturel, ils vont commencer à vouloir adorer le Dieu. Et dans ces villes-là, puisqu'ils avaient été des certaines libertés restreintes, ils vont commencer à construire certains bâtiments pour pouvoir lire la Torah là-bas les samedis dans le Shabbat. Et c'est comme ça qu'ils vont ériger cela. Et lors de la rentrée dans leur pays, ils vont commencer donc dans différentes villes. Pourtant, lorsque les Juifs étaient réunis dans leur territoire, il n'y avait qu'un seul lieu. Vous n'avez jamais pensé à voir. Mais le fait qu'ils sont allés dans un autre pays, vous savez, c'est la captivité. Ils ont été inspirés. Ils ont été inspirés et puis ils sont revenus maintenant. Et dans leur pays, donc, maintenant, il y a eu donc le temple principal, puis dans chacune des villes des Juifs, les synagogues. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'église. L'église est tombée en 325 sous Constantin. Avant cela, il y avait un empereur avant Marc Aurèle, qu'on appelle Alexandre Sévère, qui a eu l'initiative de donner le bâtiment aux chrétiens. Donc jusqu'en l'an 300, les chrétiens n'avaient pas de bâtiment. Ils adoraient exactement comme les Actes des Apôtres et les Épîtres le présagent. Ensuite, Marc Aurèle va avoir cette idée, mais c'est Constantin qui va commencer à donner les grands édifices, les grands bâtiments aux chrétiens. Et c'est alors là où l'église chute. Nous voyons effectivement que c'est l'église également est allée en captivité. C'est soumis à la loi de l'État, à la captivité de l'État. C'est à partir de là que l'État commence à donner ces choses maintenant pour la contrôler. De la même façon comme Babylone à Babylone. On avait même que les Juifs sont allés à l'extérieur transporter une coutume qui n'est pas leur. Ils veulent à tout prix que ça soit collé maintenant à la Torah. Ah, mais quel qu'en soit le cas, on ne peut pas coller la synagogue à la Torah. On ne peut pas coller la synagogue, faire jumeler ça au temple. Non, c'est le cancer. De la même façon, vous allez beau fouiller la Bible, fouiller le Nouveau Testament, on ne trouvera pas de traces de dénomination dans la Bible. Est-ce qu'il est possible d'ajouter à la parole, ajouter à ce que Dieu a dit autre chose? C'est pas possible, parce que quel qu'en soit le cas, la Bible déclare dans Proverbes chapitre 30 verset 5 et 6 que n'ajoute rien à ses paroles de peu qu'il ne te réprime et que tu ne sois trouvé menteur, parce que toute personne qui aura ajouté à la parole de Dieu, c'est pour ça que la dernière fois dans une émission ici j'avais dit toute personne qui a créé une dénomination est un instigateur de cancer, parce qu'en réalité ce sont eux qui favorisent le cancer, ils nourrissent le cancer pour créer des divisions, parce que 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 dit je vous exhorte frères à qui n'y ait point de division parmi vous. C'est ce que la Bible déclare, qu'on ne doit pas avoir des divisions. Des divisions, mais tous d'un commun accord, on doit vivre en unité dans le pressentiment. Et vous allez voir, les pasteurs vont s'unir, vont se réunir dans des conseils, mais chacun va rentrer chez soi avec leur. En dehors de la Bible, ils ont des règlements intérieurs. Et les règlements intérieurs mettent des barrières, effectivement. Donc il est temps qu'on arrête cela et on retourne à la Bible. Évangéliste, très rapidement, vous, on constate ici que la synagogue n'est pas celle que Dieu a demandé de faire. Absolument. Par contre, de l'autre côté, on voit le tabernacle qui est quelque chose que Dieu a demandé d'instituer. Absolument. Et pourtant, vous dites que il n'est pas évident, ou encore c'est pas normal d'allier le tabernacle à l'église. Absolument, ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quel qu'en soit ce que l'homme va vouloir faire, il ne connaît pas, l'homme n'a pas la pensée de Dieu, parce qu'il dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Chacune des choses qui avaient été initiées chez les Juifs, chacune des choses, et l'eau et la cuve des reins. Vous voyez par exemple la dénomination catholique, lorsqu'on leur demande pourquoi vous faites les images, ils vont dire que Dieu a demandé à Moïse de faire par exemple le serpent des reins. Mais c'est Dieu qui a demandé à Moïse de faire le serpent des reins. Dieu avait une signification pour le faire. Mais ce Dieu qui a dit à Moïse de faire le serpent des reins avait dit toujours à ce même Moïse d'écrire que vous ne ferez point de pas. Dieu sait pourquoi il dit vous ne ferez pas d'image taillée. Et c'est pourquoi il en a dit vous ne faites-toi un serpent des reins de temps. C'est que si quelqu'un ira et mordit par le serpent, il sera en regardant, il sera sauvé. Maintenant, le Seigneur Jésus dans ces gens chapitre 3 là va venir appliquer ça sur lui en disant que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même qu'il faut. Donc nous comprenons effectivement que tout ce qui se passe dans le livre dans l'Ancien Testament est un type pour prophétiser Christ. Maintenant, quand quelqu'un vient construire un tabernacle où il y a l'hostie à l'intérieur, où il y a la photo de Marie. Déjà, comment on n'a pas vu Marie, ou bien Joseph, Saint-Joseph, ou Saint-Archange de ceci, il commence à adorer. Vous voyez très bien qu'il faut la délivrance. Il leur faut tout simplement la délivrance. De la même façon, quand vous voyez effectivement des pasteurs se réunissent maintenant, vous voyez, certains disent que c'est le tabernacle de Jésus. D'autres mettent des fleurs, d'autres mettent des décorations derrière. Ils font d'après quel modèle? Parce qu'en réalité, vous aurez remarqué que chacune des fois que le temple des Juifs avait été construit, ça avait été construit du même modèle. Nous lisons effectivement dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 40 et jusqu'à 48. Nous voyons effectivement que le troisième temple qui sera bâti à Jérusalem, qu'on ne le veut pas, que les musulmans ne le veulent pas, ça sera bâti là-bas. Qui ne le veut pas, même s'il veut couper les missions, il coupe les missions, ça sera bâti de toutes les façons. Si ce temple-là est bâti, ça sera bâti d'après le modèle biblique. Quand vous voyez les constitutions et les portes orientales, les portes occidentales où la gloire de Dieu sera manifestée, les choses sont positionnées parce que ça a une signification spirituelle. Quelqu'un ne peut pas construire, vous allez voir effectivement que chaque dénomination a sa forme et tous disent être faits par l'inspiration du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit n'inspire rien pour rien parce qu'en réalité, dans tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, il dit dans l'Ancien Testament, c'était une prophétie des choses à venir. C'est pour ça qu'on dit, on va parler du rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint, en expliquant cela dans Hébreu, ce que ça signifiait. On va parler du bâton d'Aaron qui avait fleuri. Dieu a le un pourquoi, il avait dit qu'on prenne un peu de manne et on garde pour la génération future. Il a le pourquoi, il dit qu'il faut que deux chérubins soient là avec les ailes qui couvrent le propitiatoire. Pour le propitiatoire, parce que en fait, le trône monte sur les chérubins. Il ne peut pas choisir n'importe quel ange pour le faire là-bas. Donc en fait, si quelqu'un veut bâtir aujourd'hui, sur quel modèle il va bâtir? D'où vient-il son... C'est pour ça qu'il faut qu'il comprenne que le prince de la puissance de l'air des deuxième ciel leur a communiqué les visions. Ils sont des filles de Babylone. Vous nous expliquerez donc comment est-ce que l'église devrait fonctionner sur la terre. Avant, bien que tu rappelles que vous êtes sur Dynamique FM, la radio des grands défis, et l'émission c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Message ou appelez en direct au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 243 08 24 44. On est ensemble jusqu'à 21h50. Évangéliste Libertrand, oui. Les tabernacles, non, les synagogues, non, les temples, tout ça s'est passé. C'est passé. Maintenant, comment est-ce que l'église devrait fonctionner bonne, en fait? Bonne question. Voyageons un peu par pensée et retournons à la naissance de l'église. C'est tout simplement ce qu'on peut faire. D'accord. Parce qu'en réalité, si on ne quitte pas l'onction de cette abomination, de cette époque-ci, du 21e, 18e, 19e et 21e siècle, on ne peut pas appréhender. Et la seule façon de le faire, c'est faire ce qu'on appelle en anglais rewind. Il faut qu'on fait un revient doucement. On traverse les siècles d'antan et on retourne à l'origine, c'est-à-dire à l'église primitive. Parce que nous voulons savoir sa géographie, nous voulons avoir sa géographisation, son fonctionnement interne. Absolument. Et même ses jours et heures. Absolument. Maintenant, rentrons donc à Jérusalem et voyons donc la naissance de l'église. Quand l'église est née dans Actes chapitre 2, la Bible déclare à partir du verset 40, enfin, du verset 38, l'apôtre Pierre va prêcher ses prédications là. Il a dit repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et la Bible déclare que la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont loin, au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La Bible de Kaké par plusieurs autres discours, il est conjuré en disant sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. La Bible nous dit donc ceux qui acceptaient sa parole, ils sont obligés d'aller là-bas, parce que je fais un revient pour aller à l'initiative. Non, la Bible déclare que ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le jour de la Pentecôte, le jour de la première prédication, environ 3000 âmes sont sauvées, ajoutées à l'église. Les noms de disciples s'ajoutaient d'environ 3000 âmes. Mais dans la Bible déclare donc au verset 41 qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la façon de pain, ainsi de suite. Maintenant, voici 3000 personnes, la première mission, c'est un défi donc pour l'église de notre époque. 3000 personnes. La question maintenant, c'est parce que les questions sont subjacentes. Comment se réunissaient-ils? Comment était leur quotidien? Comment les enseignements se passaient au milieu d'eux? C'est là où il faut aller prendre les réponses. Nous voulons savoir, évangéliste. Maintenant, dans la Bible déclare donc qu'ils persévéraient, ce sont des juifs. Souvenez-vous que dans Actes chapitre 1, il est question des juifs, il est question de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. C'est l'une des trois grandes fêtes juives et dont les juifs viennent de la diaspora. Au chapitre 2, on parle de 15 pays qui sont représentés là-bas. Donc les juifs de ces pays-là sont venus à Jérusalem pour la manifestation dite de la Pentecôte. Et c'est dans ces moments-là où le Saint-Esprit saisit donc certaines personnes, de ces 3000 personnes mélangées dans cette foule-là. Maintenant, ne connaissant pas Christ, ne connaissant pas la nouvelle donnée, ils sont des juifs, donc les juifs sont intimement liés au prophète et au temple. Ça, c'est clair. La Bible déclare donc qu'ils persévéraient, ils persévéraient dans le temple et ils recevaient les enseignements dans les maisons, parce qu'ils étaient des juifs. Jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, quand vous allez lire Actes des Apôtres, vous allez voir effectivement que il doit avoir comment. C'est là où nous en sommes encore là ce soir. Vous allez voir que les enseignements du temple sont incompatibles avec les enseignements du Saint-Esprit. Les enseignements du temple, les enseignements qui sont distillés dans le temple. Dans le temple, initialement, il doit avoir des sacrificateurs et des lévites. Plus tard, maintenant, dans ce temple-là, il doit avoir des huissiers, il doit avoir les commandants du temple, des principaux souverains sacrificateurs. Donc, aujourd'hui, on a aujourd'hui les pasteurs principaux, les juniors pasteurs, les seniors pasteurs, pasteurs régionaux, superintendants, qui ne se trouvent pas dans la Bible. Pourtant, la Bible déclare qu'il a donné les prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, ainsi de suite. C'est ce que la Bible connaît. Mais aujourd'hui, vous dites, vous entendez un pasteur principal, vous demandez qu'est-ce que le pasteur principal veut dire. Il va dire qu'il n'y a pas de mal à cela. Mais il n'y a pas de place. On ne peut pas le greffer dans la Bible. Vous voyez, n'est-ce pas? Il essaie de forcer le contact. Il va falloir qu'ils écrivent Apocalypse chapitre 23 pour pouvoir s'insérer là-dedans. Donc maintenant, oui, effectivement que 15 nationalités de 15 juifs, enfin les nationalités des juifs qui sont dans la diaspora, parce que ce ne sont pas les Romains, les Arabes et autres qui sont là-bas. Ce sont les juifs de cette nationalité-là, de ces pays-là qui se trouvent à Jérusalem. Ah, d'accord. Lorsqu'ils croient donc maintenant, ils ont toujours la culture du temple. Et ils vont encore au temple jusqu'à ce que les enseignements qu'on distille là-bas sont différents des enseignements, des nouvelles données. Parce qu'on prêche maintenant la repentance au nom du Seigneur Jésus-Christ, le pardon du péché, au nom de Jésus-Christ. Et le lieu des juifs qu'il faut prêcher pour les avoir, c'est un peu comme chez les musulmans maintenant où ils se trouvent constamment à la mosquée. C'est pour ça qu'au chapitre 3, vous allez voir effectivement que Jean et Pierre vont aller au temple à l'heure de la prière, à 15h, et là, ils vont gréer séparatifs, et puis ça va créer le moins 4000, 5000 personnes encore vont encore croire pour être joints à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la Bible déclare donc qu'ils se réunissaient dans la maison, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans les quatre bases de la prière, de la réunion chrétienne, est nommée là-bas dans Actes des Apôtres. Petit à petit, comme ça, le Saint-Esprit, c'est à l'acte du Saint-Esprit là-bas, le Saint-Esprit va commencer à mettre comme ça les jalons de l'église. Ce n'est pas un homme qui amène sa pensée, parce que souvenons-nous, dans les deux premières éditions, ici nous avons parlé de l'église est bâtie par Christ. C'est l'église, c'est Christ qui bâtit son église. Dans Matthieu chapitre 16, il a dit que je bâtirai mon église et les portes de ce jour de monde ne prévaudront point contre elle. Donc ce n'est pas un homme qui prend l'initiative pour faire quoi que ce soit dans l'église du Seigneur Jésus Christ. Donc maintenant, si donc l'église est donnée par le Seigneur Jésus Christ, c'est lui qui donne les modalités. Il choisit donc des gens qui vont travailler d'arrache-pied guidés par le Saint-Esprit pour pouvoir conduire cette église là à bon port. Maintenant, c'est comme ça donc que les premiers chrétiens sont enseignés par les apôtres. Donc ce sont les apôtres qui sont les porteurs de ces messages-là pour pouvoir bâtir les gens afin qu'ils soient capables de retransmettre cela dans les générations futures jusqu'à ce que nous avons ça aujourd'hui. C'est pour cela que vous allez voir Timothée, Sylvestre et Jude vont parcourir les contrées de la terre pour pouvoir amener les lettres qui avaient été écrites par ces apôtres qui fait autorité aujourd'hui, qui est rassemblée, forme ce qu'on appelle le canon biblique aujourd'hui. Donc les chrétiens se rassemblaient dans des maisons. Les apôtres passaient de maison en maison pour les enseigner. À Jérusalem, par exemple, on va parler de l'église de Jérusalem. C'est là où nous touchons la géographie. À Jérusalem, il n'y a pas les églises. Comme aujourd'hui à Douala, on va pouvoir dire qu'il y a les églises. Il y a trop d'églises à Douala. Le simple fait qu'on dit qu'il y a trop d'églises à Douala montre clairement qu'on manque de définition. On ne connaît même pas ce qu'on a de dire. Parce que Douala, c'est une localité, c'est une ville. Il n'y en a qu'une seule église à Douala. Malgré la multitude des dénominations. Parce que en fait, le vrai problème, c'est que les gens confondent les dénominations à l'église. Lorsque les gens vont dans un lieu et prédisent que je m'en vais à l'église, ce n'est pas vrai. L'église, c'est quel jour, c'est quel jour et à quelle heure. Et maintenant, si on comprend donc maintenant que l'église, ce sont des êtres humains, et nous lisons dans Romains chapitre 12, verset 1, il dit: Je vous exhorte donc, frères bien-aimés, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable pour chaque chrétien, c'est la vie christique, dont la vie en Christ chaque jour, chaque heure. Chaque... Jésus, dans ces gens, lorsqu'il parlait avec le sauf, la femme samaritaine, a dit: L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Il dit, parce que la femme samaritaine lui disait que vous vous adorez là-bas, nous nous adorons ici. Exactement la même chose dont la pensée pentecôtiste et dénominationnelle était dans cette femme-là. Jusqu'à là, je dis, non, c'était plus comme ça. Là. Vous allez à la synagogue, vous allez là sur la montagne, ainsi de suite, sur les hôtels. Maintenant, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure qu'Einstein a dit qu'il crée une croyance qu'un atome. Parce qu'en réalité, c'est tellement ancré que si quelqu'un manque de partir dimanche, il a comme l'impression qu'il a péché devant Dieu. Alors chaque dimanche, maintenant, les gens vont sortir pour, comme on a dit tout à l'heure, dans le vos pendant suffisamment, comment quelqu'un a dit le programme de culte, c'est ceci. C'est un fidèle, qui a donné le programme de culte chaque dimanche. Nous nous trouvons aujourd'hui un jeudi et un an de donner le programme de culte dimanche. Donc, en allant au culte, elle sait qu'à telle heure elle doit être à tel moment. Elle sait qu'on a telle heure elle va sortir. La Bible nous déclare dans Actes chapitre 20 que l'apôtre Paul a prêché une de ces nuits jusqu'à ce que quelqu'un est tombé et est mort. Il a prolongé son discours jusqu'à dans la nuit. Aujourd'hui, quand on prêche 14 minutes, 15 minutes, on dit que non, le pasteur là il dit trop. Quand c'est comme ça, on ne comprend plus. Mais on est capable de voir la série, différentes séries à la télévision sans se fatiguer. On est capable de voir la Coupe du Monde, la Coupe des Jeux Olympiques. On est capable de suivre toutes ces choses-là sans être fatigué. Pourquoi? Parce qu'on a rejeté la parole du Seigneur. Donc en réalité, chaque localité avait une seule église. Chaque localité, une ville a une seule église. À Jérusalem, la Bible déclare, si vous lisez par exemple le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 22, la Bible déclare que, étant arrivé à Antioche, il fut salué par l'église. Donc c'est l'église qui a salué l'apôtre Paul et les Silas qui sont venus à Antioche. Maintenant, à Jérusalem, donc, lorsque l'église est née, l'apôtre Pierre, Jacques et autres qui sont regardés comme les colonnes de l'église de Jérusalem, seront là pour enseigner de part et d'autre. Dans Actes chapitre 16, 12 par exemple, nous allons voir effectivement que Hérode va faire décapiter Jacques et ça va pleurer aux Juifs. Et puis plus tard, ils vont aussi appeler à quoi? Arrêter Pierre. Et quand Pierre sera arrêté, plus tard, sera relâché par l'ange. En sortant, il va aller dans la maison de Jean-Marc, la maman de Marc. Puis après, les gens qui sont réunis, enfin, de toute façon, on va développer la prochaine séance. Évangéliste, je pense bien qu'on est tenu par le temps. On pourra renvoyer pour la prochaine séance. Absolument, on va continuer donc dans cette régénération. La prochaine séance, nous entrons directement dans la Bible pour voir effectivement les différentes zones dans la Bible et voir pourquoi on appelle l'église avec S et l'église sans S. D'accord. Merci à tous, merci à chacun. Je suis Bill Ervengue à assurer la partie technique de cette émission. Soyez bénis. Alors, à jeudi prochain, 21h. Maintenant, c'est la pause.